Section 80 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 80. Monsieur Joseph Fortunat, par Frédéric Febvre, de la Comédie-Française, chapitre 3. Une fois son parti pris, l'employé en disponibilité fit place au pêcheur. On lui avait signalé entre Mantes et Poissy un coin exquis à un rêve, des tanches et même des brochets de toute beauté. C'était la bonne saison, on ne voyait que lignes sur les bords des rivières. Monsieur Fortunat, une fois lancé, fit des folies. Il loua pour 15 jours à l'hôtel de l'Esturgeon Royal une petite chambre. Chaque matin, il partait à la recherche d'une bonne place, le rêve de tout pêcheur. Depuis 2 jours, il l'avait trouvée et s'en donnait à cœur joie, quand un matin, dans ce recoin perdu, il entendit, derrière lui, une voix s'écrier « Sapristi ! Ma place est prise !» Comme il se retournait, il vit s'éloigner un monsieur dont la tenue était celle d'un pêcheur sérieux, à en juger par le petit matériel que traînait à sa suite un jeune paysan. Le lendemain, M. Joseph Fortunat, avec un sentiment de prudence bien connu des pêcheurs, vint plus tôt que la veille à la même place. Nouvelle apparition du gentilhomme campagnard et de son fidèle serviteur. Même regrets exprimés dans une exclamation désolée, même départ discret. Le troisième jour, au moment où M. Fortunat tirait de l'eau un superbe barbeau, il entendit une voix tremblante d'émotion lui dire « Oh, ça mord ce matin !» C'était toujours le même monsieur, mais cette fois en tenue de campagne et sans domestique. « Mille grâces, monsieur !» lui répondit M. Fortunat avec son plus doux sourire. « En effet, je n'ai pas à me plaindre, la place est bonne !» La figure du monsieur prit une expression ironique. « Oui, monsieur, elle doit être bonne, car il y a longtemps que j'y amorçais. Quand mon absence, j'y fais amorcer !» Puis, examinant l'outillage de monsieur Fortunat, il ajouta. « On voit que monsieur est un amateur sérieux ? Oh, mon Dieu !» reprit en minaudant monsieur Fortunat. « Un amateur sérieux, c'est beaucoup dire. Je pêche ou, pour mieux parler, je péchote par délassement. Je pourrais même dire par désœuvrement, » ajouta-t-il en poussant un soupir. « Car, victime d'un de ces mouvements que la politique peut imprimer à l'administration, privé de mes fonctions par un arrêt aussi injuste qu'arbitraire, je viens demander à ce plaisir tranquille l'oubli de mes maux et celui de l'ingratitude de nos gouvernements. Comment, vraiment, monsieur? Le dernier changement de ministère vous a privé de votre emploi? Contez-moi donc ça. Je vous en prie, je me nomme monsieur de la parcimonie. J'ai quelques crédits et si je pouvais vous être agréable. » Entre pêcheurs, la connaissance est rapidement faite. Une heure après, monsieur de la Parcimonie, conseiller général de l'Oise, écrivait à son beau-frère le nouveau ministre, et 2 jours après, monsieur Fortunat recevait avis qu'il eût à se rendre immédiatement à son nouveau poste, étant nommé inspecteur des surtaxes douanières dans le département de la Haute-Saône à Flamigny, petite station renommée pour ses eaux curatives. Si grâce à l'intervention providentielle de monsieur de la Parcimonie, monsieur Fortunat avait retrouvé une place dans l'administration, en revanche, monsieur de la Parcimonie retrouvait sur les bords de l'Oise celle dont la perte lui avait été si sensible. À quoi tient la destinée? Échanger un petit abri sous 2 saules contre 10 000 francs de traitement? Et il se trouve encore des gens qui se rient de la pêche et des pêcheurs. Fin de la section 80, lue par Sophie France à Veules-les-Roses en décembre 2024.